J'ai vu des nuits sans lumière, des visages figés dans la misère, des corps couchés sous les abris, des rêves noyés dans l'oubli. Je parle vrai, je parle brut, pas besoin de masque ni de chute. Chaque mot est une cicatrice, chaque phrase une injustice. J'ai streamé des heures pour personne, parler des vérités que personne raisonne. Chaque vue est rare, est une étincelle, mais l'écran reste froid, éternel. Les années passent, le temps s'efface, mais mes mots percent comme des traces. Même sans gloire, même sans couronne, ma voix résonne, brute et autonome. I am the sky you can conceal. Born of silence, carved in flame, written in scars. In truth, I am writer's skill eternal, and I speak because of you. J'ai vu des pères sans travail, des mères brisées sous les rails, des enfants rêver de fuir, des regards perdus sans avenir. La vie est crue, la vie est sale, mais mes mots frappent comme des balles. Chaque ligne est un miroir froid, chaque silence m'appartient à moi. J'ai vu mes rêves s'effondrer, mais jamais mes mots s'arrêter. Je suis l'air skill, l'ombre en marche, chaque pas fond encore la carcasse. Dans le stream comme dans la rue, je reste vrai, je reste nu. Pas de façade, pas de pitié, juste ma voix pour exister. I am the sky you can conceal. Carved in flame, written in scars. In truth, I am writer's skill eternal, and I speak because of you. Sous la pluie, je trace ma route. Chaque pas pèse, chaque doute. Chaque regard me juge encore. Mais je transforme la douleur en or. J'ai vu des vies jetées au sol, des prières brûlées sur le tôle. Mais je marche, même effacée, car chaque mot me fait rester. I am the sky you can't conceal. The rhythm under your skin. I've broken up a life, still fighting deep. Science, carved in flame, written in scars. In truth, I am writer's skill eternal, and I speak because of you. I am the echo through your pain, the heartbeat you can let go. Half tempest, half a lullaby, the voice you'll always know. Made of passion, carved in scars. Written in blood, in truth, I am writer's skill eternal, and I speak because of you. Sous les étoiles, je marche encore. Chaque vibration traverse vos corps. Je suis writer's skill, je suis la flamme, le son qui jamais ne s'éteint dans l'âme. Même si le monde m'oublie, je laisse ma voix marquer vos vies. Writer's skill, writer's skill, writer's skill.